Dis-moi oui, parce que j'ai besoin de toi. Dis-moi oui, je t'en prie. Si par hasard tu voulais me dire non, va te cacher derrière les vagues de l'océan. Si par hasard tu voulais vraiment me dire non, sème la tempête, je récolterai la pluie. Oh you you, quand tu ris, les fleurs s'épanouissent en dansant. Quand tu es dit, la brume s'emporte de la nature. Dis-moi oui, parce que j'ai besoin de toi. Dis-moi oui, je t'en prie, belle. avec mes copines. Delengi alimbala liboso, ezali lisusu te. Laninga bazongisaka motema nsima, soki babengi ye na miso ya bato. Yo lingi mpe olakisa, te bolingo komi na point carré. Je me demande comment ça se fait. Quand je t'appelle chérie, toi tu me réponds, ouais ouais. Quand monsieur revient du travail, il faut l'embrasser. Quand il est un peu fâché, il faut le caresser. Quand il ne veut pas manger, il faut l'adorer. Quand il est en retard, faut pas faire jalousie. Quand monsieur revient du travail, c'est devenu une vatineuse. Je sais, au début c'était sucré, au milieu c'est citron. Maintenant c'est vers la fin, c'est devenu une vatineuse. Kasi na nyoso pamba pamba oh mama sakani na ligasa na kacha zambao. Na kambi tuwe o mama. Ebongika kana funda yo chérie. Na kofunda yo. Na metro bonese.